Unité 10, 4 A. 1. Beau repère à moins de barques, Castelfleury. 2. Roquemort à plus d'écoles que Castelfleury. 3. Beau repère à plus d'écoles que Castelfleury. 4. Castelfleury a moins d'habitants que Roquemort. 5. Roquemort et Beaurepaire ont le même nombre de musées. 6. Roquemort a deux fois plus de terrains de sport que Castelfleury. 7. Roquemort et Beaurepaire ont le même nombre d'hôpitaux.